بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل اليوم ما تبقى من باب الإمامة on va terminer aujourd'hui ce qui reste comme ahadith à voir dans le chapitre lié à l'imamة le cours numéro 30 والحديث الخامس Le cinquième hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Selon أبي هريرة رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'imam prononce le ta'min, c'est-à-dire lorsque l'imam dit Amin, alors prononcez le ta'min, c'est-à-dire alors dites Amin. Car celui dont son ta'min, la parole lorsqu'il dit Amin, est en accord avec le ta'min des malaïka, alors ses péchés précédents sont pardonnés, sont effacés. هذا الحديث فيه استحباب تأمين الإمام والمأموم. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé à l'imam et au ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, de prononcer le ta'min, le fait de dire Amin. أما المنفرد فيستحب له أيضا وذلك في الرواية عند البخاري. Et par contre, celui qui prie tout seul, donc on a dit ce hadith, on voit qu'il est recommandé à l'imam et à celui qui prie derrière l'imam de dire Amin. Concernant celui qui est tout seul, alors on voit cela, ce caractère recommandé aussi dans la narration qui est stipulée dans le recueil de l'Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Iza kale ahadukum amin, wa kaletil malaikatu fis sema'i amin, fe wafakat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Si l'un d'entre vous dit Amin, et que les anges dans le ciel disent Amin, et que l'une parole, l'une est en accord avec l'autre, c'est-à-dire une parole est en accord avec l'autre, donc la parole des anges et de celui qui dit Amin, alors ses péchés précédents lui seront effacés, lui seront pardonnés. وَهَذِهِ الرِّوَيَا عَمَّ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ Et cette narration, elle est générale, elle englobe donc l'imam, celui qui prie derrière l'imam, le ma'moum, et celui qui prie tout seul. Et donc c'est recommandé pour tout le monde. وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ هُوَ إِذَا أَرَادَ التَّأْمِينِ Et certains savants, ils disent que ce qui est voulu par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, lorsque l'imam dit Amin, lorsque l'imam donc va pratiquer le ta'min, ce qui est voulu par là, c'est lorsque l'imam veut dire le ta'min. Et donc que toi, tu vas prononcer le ta'min en même temps que l'imam. Tu vas prononcer cette parole, Amin, en même temps que l'imam. Pourquoi ? Parce qu'il a été aussi cité dans une autre narration, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque l'imam dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est-à-dire la fin de la Fatiha, alors dites آمين. Les savants ils ont dit et donc el murad موافقة تأمين الإمام والمأموم والملائكة. Et donc il dit, ce qui est voulu donc, c'est que tous les ta'mines soient en accord. Le ta'min de l'imam, du ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, et les anges. Et donc, voilà par rapport à cela. لكن العلماء اختلفوا في مشروعية التأمين. Cependant, malgré cela, les savants, ils ont divergé concernant la licéité du ta'min, le fait de prononcer le Amin. فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه يشرع الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد. Et donc l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed, ils voient qu'il est légiféré de prononcer le ta'min à voix haute, donc que ça soit pour l'imam pour le ma'moum, celui qui prie derrière lui, ou celui qui prie tout seul. Celui qui prie tout seul, il récite une prière à voix haute, il va donc dire « Amin » à voix haute. Et leur preuve, ce sont les hadiths qu'on a vus précédemment. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Donc, lorsque l'imam dit « Amin », alors dites « Amin » et autres. Taïm Abu Hanifa, « Zahab Abu Hanifa ila anna ta'min yushra'u sirran fil jahriya » Abu Hanifa, il voit que le ta'min, le fait de dire « Amin » est légiféré « sirran » c'est-à-dire à voix basse durant les prières à voix haute. Donc l'imam, il va réciter le Fatiha pour l'Isha. Et lorsqu'il finit, il dit « Wala dhalin » on n'entend pas « Amin ». Pourquoi ? Parce que chacun le dit pour lui. Et ça, c'est on trouve cela donc dans les pays qui suivent le madhhab de Abu Hanifa. Comme par exemple au Kazakhstan. Nos frères du Kazakhstan, ils nous disent « On a ce problème ». À partir du moment où l'imam il dit « Wala dhalin », nous on dit « Amin », les gens ils ont envie d'arrêter la salat. Ils ont envie d'arrêter la salat. Quand on a fait une bid'ah, on a fait quelque chose de grave, etc. Et après les gens nous disent « Ah, c'est vous, etc. Pourquoi vous ramenez des nouvelles choses, etc. etc. » Tout ça, par suivi aveugle. Le suivi aveugle. L'orgueil. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas demander à ces gens la taille, mais quelle est la preuve que je ne peux pas dire « Amin » Ils ne vont pas trouver. Ils ne vont pas trouver de preuve que tu ne peux pas dire « Amin » à la fin de ta prière. Mais c'est le suivi aveugle. Juste le fait de dire, c'est le madhhab de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa a dit. C'est comme ça, un point, c'est tout. Là, chez nous, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah azza wa jal a dit dans son livre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. On ne suit aveuglément personne. ومما يرد على ذلك ما أخرجه النسائي عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين. Et il y a aussi un texte qui réplique à cela, comme l'a cité النسائي dans son recueil selon نعيم المجمر, qui dit: j'ai prié derrière Abu Huraira. C'est-à-dire, Abu Huraira, c'était lui l'imam. Et il a donc récité Bismillahirrahmanirrahim. Puis, il a récité la base du livre, la base du Coran, c'est-à-dire le Fatiha, jusqu'à ce qu'il arrive à Waladolin. Alors, il a dit Amin, et les gens ont dit Amin. Le troisième avis, l'avis de l'imam Malik, Rahimahullah. C'est quoi l'avis de l'imam Malik ? Ouais. C'est comme ça que vous faites au Maroc ? Nous, ils disent. Ceux qui sont bien attachés au madhhab, ils font comme ça. L'imam, il dit pas. C'est les mamans qui disent. Et donc, Al-Malikiya, c'est. Al-Ta'min yushra'u lil ma'moum dun al-imam. Le fait de dire Amin, c'est légiféré donc pour les ma'mouns, ceux qui prient derrière l'imam, mais pas pour l'imam. Quelle est la preuve ? Quelle est la preuve ? J'ai déjà cité. Ahsant. Idha qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin fa qulu amin. Lorsque l'imam dit ghayr al-maghdubi alayhim, alors dites amin. Ils se sont accrochés à cette narration. Et ils ont dit, al-zahir min hadhihi riwaya, anna al-imam la yu'ammin. Ils disent, ce qui est apparent dans cette narration, c'est que l'imam ne dit pas amin. Mais l'imam, il dit, ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Et ensuite, les gens, ils disent amin. Il n'a pas été cité que l'imam, il dit amin. Et donc, l'avis le plus juste. Et encore, il y a un autre avis à citer. Excusez-moi. Al-qawlu al-akhir. Wa huwa qawlun fil haqiqa la ibrata bihi. Le dernier avis, et c'est un avis, en réalité, qui n'a pas d'importance, mais on le cite juste pour que vous puissiez savoir. Et c'est l'avis de Shia Az-Zaydiya. Et donc, Shia Az-Zaydiya, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, « Laysa hunaka ta'min, la sirran, wa la jahran, wa huwa bid'ah. » Ils disent, il n'y a pas de ta'min, que ça soit à voix basse ou à voix haute, c'est une bida. Et comme on a dit, la ibrata bihim. Et donc, on n'accorde aucune importance à cela. Et donc, l'avis le plus juste, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, dans ce sujet, c'est qu'il est légiféré, donc, à l'imam, à celui qui prie seul, et celui qui prie derrière l'imam, de donc prononcer le ta'min à voix haute. ثم التأمين معناه استجب أو اللهم استجب. Ensuite, la signification du ta'min, c'est exauce ou Allah, oh Allah, exauce. Puisque al-Fatiha, c'est une invocation. Tu fais cette invocation, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te guide. Et donc, à la fin, tu dis Amin. Et donc, tu demandes à Allah Azza wa Jal d'exaucer cette invocation. وأما الفضل المذكور في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه فالمراد به الصغائر دون الكبائر لأن الكبائر لابد لها من توبة. Et en ce qui concerne les mérites quant au fait de prononcer le ta'min, c'est-à-dire qu'il lui est pardonné, ses péchés précédents lui sont pardonnés, alors cela concerne les petits péchés et non les grands. Pourquoi ? Parce que les grands péchés, il est impératif concernant les grands péchés de faire un repentir. Il est impératif concernant les grands péchés de faire un repentir. Wa dhakara ba'd al-ulama fi sharh hadha al-hadith istihbab sakta ba'd at-ta'min hatta yatamakkana al-ma'mum min qira'ati al-fatiha. Et certains savants, ils ont cité dans l'explication de ce hadith le fait qu'il est recommandé après avoir dit Amin, le fait qu'il est recommandé après avoir dit Amin, d'avoir un moment de silence pour que ceux qui prient derrière l'imam aient le temps de réciter Al-Fatiha. Walakin hadha al-qawl laysa alayhi dalil. Cependant, cet avis, il n'y a pas de preuve qui va appuyer cet avis. Il n'y a pas de preuve qui va appuyer cet avis. Il y a un hadith dans Sunan Abi Daoud ainsi que Jami' al-Tirmidhi que Ibn Abd al-Barr a stipulé donc qu'il était faible, ainsi que Dharakoutni, ils ont montré donc que le hadith est faible, premièrement, et deuxièmement, Ibn al-Qayyim il explique dans Zad al-Ma'ad, أن المراد بهذه السكتة هي سكتة خفيفة جدا. Ils disent, donc Ibn al-Qayyim il dit dans Zad al-Ma'ad que c'est un silence qui est très court, juste pour que l'imam puisse reprendre son souffle, et ensuite il recommence la récitation. Mais ce n'est pas pour que les gens qui soient derrière elles répètent la Fatiha. Là-dessus, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve concernant cela. D'autres savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la Fatiha n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de réciter la Fatiha quand tu pries derrière l'imam. L'imam qui récite la Fatiha, toi, il n'était pas obligatoire de réciter la Fatiha parce que lui, il l'a déjà récité. Ils disent pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. Lorsque l'imam il dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, alors dites Amin. Il n'a pas dit alors dites Amin, puis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu récites la Fatiha ou autre. Ils disent, et donc ça suffit. Ça, c'est un avis. Cette divergence-là, on ne va pas la voir maintenant. Inch'Allah ta'ala. Cette divergence-là, on va la voir quand on va reprendre Kitab Salat, Inch'Allah ta'ala. Il y a un chapitre spécifique pour la lecture de Al-Fatiha. Mais je vous dis déjà d'avance que la récitation de Al-Fatiha est obligatoire. La récitation de Al-Fatiha est obligatoire. Par contre, vous comprenez que ce n'est pas obligatoire et que pendant tout ce temps, vous la délaissez jusqu'à ce qu'on reprenne là-bas. Donc, je vous dis dès maintenant, la récitation de Al-Fatiha, c'est obligatoire. Et on verra la divergence, Inch'Allah ta'ala, au moment voulu. On continue, Inch'Allah, on va donc finir ce chapitre. Il ne reste plus beaucoup de choses à voir, Inch'Allah. Wal hadith ou as-sadis wa as-sabi'a. Et donc les hadiths 6 et 7. An Abi Hurayra radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, idha salla ahadukum bin nas fal yukhaffif, fa inna fihim ad-da'if was-saqim wa dha hajah. Fa idha salla ahadukum li nafsihi fal yutawwil ma sha'a. Et donc, le sixième hadith, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie avec les gens, c'est-à-dire qu'il dirige la prière des gens, alors qu'il fasse court. Alors qu'il fasse court. J'ai fait court aujourd'hui. alors qu'il fasse court. Et donc, car il y a derrière lui, car il y a parmi eux celui qui est faible, celui qui est malade et celui qui a quelque chose à faire, qui a un besoin. Et lorsque l'un d'entre vous prie tout seul, alors qu'il fasse long comme il veut. Alors qu'il fasse long comme il veut. وعن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. Donc selon عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. Et donc il nous dit, un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant, certes, je tarde durant la prière du subh à cause de un tel, et à cause de un tel du fait qu'il prolonge trop la prière avec nous. Il rallonge trop la prière avec nous, il fait trop long. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. Il dit, et donc je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'énerver lors d'un sermon de la même façon que je l'ai vu s'énerver ce jour-là. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était énervé. Fekole, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, Ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin. Ô gens, il y a parmi vous des gens qui éloignent les autres. Des gens qui éloignent les autres du bien, ils éloignent les autres du khair, du bien. Et donc celui d'entre vous qui dirige la prière des gens alors qu'il fasse court, car il y a derrière lui le grand et le petit et celui qui a donc un besoin. ففي هذين الحديثين أن المطلوب من الأئمة التخفيف على الناس لكن ما هو التخفيف؟ Et donc il y a dans ces deux hadiths le fait que les imams ils doivent faire court avec les gens. Cependant, qu'est-ce que le fait de faire court? C'est quoi la limite quant au fait de faire court? وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع أصحابه الفجر فيقرأ في كل ركعة بستين إلى مئة. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il accomplissait la prière du fajr avec ses compagnons et que dans chaque raka il récitait entre 60 et 100 versets. Entre 60 et 100 versets. وذكر فذكر بعض العلماء أن التخفيف في عرف الصحابة تطويل في عرف الناس الآن. Et donc les certains savants ont cité que le fait de raccourcir la prière dans ce qui est connu chez les compagnons, à l'époque des compagnons, aujourd'hui auprès des gens, c'est considéré comme le fait de prolonger la prière. Aujourd'hui, si Salat al-Fajr, on récite 100 versets, on va entendre pendant la prière. Et donc, les choses ont changé. Les gens n'ont pas les mêmes capacités à supporter donc cette difficulté. فقالت العلماء على الإمام أن يراعي أحوال الناس. Les savants ils disent l'imam il doit faire attention à la situation des gens. À la situation des gens. فلا يطول تطويلا ينفر الناس. Il ne va pas faire long à tel point que ça donne plus aux gens, envie aux gens de venir. وَلَا يُخَفِّفْ تَخْفِيفًا لَا يُعَطِ الصَّلَاةَ حَقَّهَا. Et il ne va pas non plus diminuer, raccourcir la prière à tel point qu'il ne donne pas à la prière son droit. Et donc il doit réussir à être dans le juste milieu et c'est là qu'elle est toute la difficulté. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc concernant ce chapitre, on a fini le chapitre donc sur l'imama. Et bi'idhnillah, on reprend le chapitre de Sifat al-Salat, la description de la prière. Le chapitre d'après, c'est la description de la prière. On le reprend après Ramadan, inshallah ta'ala, après Ramadan. Pour l'instant, on arrête Kitab al-Salat. La semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, toujours dans Umdat al-Ahkam, on commence Kitab al-Siyam. kitab ou siyam, de Umdat al-Ahkam, on se prépare tranquillement pour Ramadan. Inch'Allah ta'ala, wafak Allahu al-jami'a, lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.